Sous les auspices de la Fédération générale des scientifiques et des techniciens de Corée, l'exposé scientifique et technique nationale du domaine de l'industrie houillère a eu lieu les 26 et 27 courants à l'école supérieure de l'industrie houillère de Pyeongsang. Y ont pris part les cadres, les enseignants, les chercheurs et les membres de doctorat de diverses unités, comme le ministère de l'industrie houillère. À l'exposé étaient déposées plus de 100 dissertations qui ont réglé le problème de la mécanisation d'ensemble dans les galeries. On a remis les diplômes et prix aux meilleurs participants.